Maintenant, parlons du verbe « devoir » au conditionnel, c'est-à-dire « je devrais »,« il devrait »,« nous devrions », etc. Par exemple, comment diriez-vous « je devrais le faire » ? Dovrei farlo. Dovrei farlo, oui. Et vous devriez m'attendre, si vous vous voyez votre interlocuteur, se dira? Dovrebbe aspettarmi. C'est ça, dovrebbe aspettarmi. Maintenant, vous allez dire, nous devrions y aller. Dovremo. Attention, la phrase est au conditionnel, pas au futur. Dovremmo andarci. Dovremmo andarci, oui. Comment dit-on « il devrait venir avec nous » avec « il » au pluriel? Dovrebbero venire con noi. Dovrebbero venire con noi. Maintenant, dites-moi, vous, c'est-à-dire voi, devriez nous attendre. D'abord, rappelez-moi comment on dit « nous » dans ce cas. C'est le même petit mot que celui qui sert à dire « i » pour indiquer le lieu, comme dans « y aller ». Ci. Ci, très bien. Donc, vous devriez nous attendre, se dira. Dovreste aspettarci. Dovreste aspettarci. Bien. Nous avons donc vu le conditionnel du verbe « devoir ». Je devrais, nous devrions, vous devriez. Comme je vous l'ai montré pour le verbe « pouvoir », il y a aussi une autre forme du conditionnel, une forme avec plongeoir, qui donne « j'aurais dû » et qui fonctionne de la même façon que « j'aurais pu ». Revenons à « j'aurais pu » ou plutôt « vous auriez pu »,« voi ». Et dites-moi, vous auriez pu me le dire. Mi avreste potuto dirmelo. Mais j'ai mis deux fois « me ». J'en ai mis un au début et un autre à la fin, non? Recommencez depuis le début. Avreste potuto dirmelo. Avreste potuto dirmelo, absolument. Ou alors, il y a une autre solution, en mettant « melo » ailleurs dans la phrase. Me lo avreste potuto dire. Me lo avreste potuto dire. Bien. Maintenant, comment diriez-vous « j'aurais pu le faire » ? Avrei potuto farlo. Avrei potuto farlo, c'est ça. Et maintenant, vous pouvez faire la même chose avec « dovere ». Au lieu de « avrei potuto », vous direz « avrei dovuto ». Voilà, « avrei dovuto », j'aurais dû. Dites-moi par exemple, j'aurais dû vous le dire, avec le « vous » du vouvoiement. Avrei dovuto dirglielo. Avrei dovuto dirglielo. Bien. Nous aurions dû commencer plus tôt. Comment diriez-vous ça? Je vous rappelle que « commencer » se dit « cominciare ». Cominciare. Avremmo. Avremmo, oui, c'est ça. Avremmo dovuto cominciare. Cominciare avec un i. Cominciare. Avremmo dovuto cominciare. Plutôt. Più. Presto. Più presto, oui. Avremmo dovuto cominciare più presto. Maintenant. Comment traduiriez-vous « nous aurions dû partir plus tôt » ? Avremmo dovuto partire più presto. Oui, avremmo dovuto partire più presto est une des deux solutions possibles. En disant avremmo, vous avez choisi de partir du plongeoir de dovere. L'autre solution est avec le plongeoir de partire. Qui suit dovere dans cette phrase? Quel est, à votre avis, le plongeoir de partire? Essere. Bien sûr, c'est essere, puisque partire est un verbe de mouvement. Vous vous êtes rappelé qu'en italien, les verbes de mouvement comme andare et venire, ainsi que les verbes d'état comme restare, ont toujours comme plongeoir essere. Maintenant, reprenez la phrase « Nous aurions dû partir plus tôt » et traduisez-la en utilisant le plongeoir de « partire ». Saremmo. Très bien. Saremmo. Saremmo dovuti partire più presto. Bien. Saremmo dovuti partire più presto. Si c'est un groupe d'hommes ou un groupe mixte. Mais s'il s'agissait d'un groupe de femmes, on dirait saremmo dovute partire più presto. Dovute avec un E à la fin. Donc, quand vous plongez dans dovere et que celui-ci est suivi d'un verbe de mouvement ou d'état, vous pouvez utiliser soit avere, soit essere comme plongeoir. Avec potere et volere, on a le même choix. Comment diriez-vous « nous avons voulu partir plus tôt » ? Abbiamo voluto partire più presto. C'est ça. Abbiamo voluto partire più presto. On dit voluto, que ce soit des hommes ou des femmes qui parlent, puisqu'il n'y a pas d'accord avec le plongeoir avere, comme en français. L'autre solution, c'est d'utiliser le plongeoir de partire. Siamo voluti ou siamo volute partire più presto. Oui, siamo voluti partire più presto, si c'est un groupe d'hommes ou d'hommes et des femmes ensemble. Siamo volute partire più presto, si c'est un groupe de femmes. Maintenant, dites-moi, nous n'avons pas pu partir plus tôt. Non abbiamo potuto partire più presto. Bien, non abbiamo potuto partire più presto. Ou encore? Non siamo potuti partire più presto. Si c'è un gruppo d'hommes ou d'hommes et de femmes. Non siamo potuti partire più presto. Oui. Et si c'è un gruppo de femmes, non siamo potute partire più presto. Non siamo potute partire più presto. Parfait.